Voilà. En tous les cas, j'espère que vous n'avez ressenti aucune agressivité de ma part. Ce n'était pas du Non, tout mais moi, je me intentionnel. fais aussi le porte-parole des Gaulois, entre guillemets, parce que les gens ne comprennent pas souvent que j'ai une position de médiateur. Et je dis, quand vous dites, vous, les Français, avez bloqué le processus démocratique en Algérie, etc., Contribuer, contribuer, je dirais. oui, mais Mais il faut l'État, bien dire, l'État, il faut dire, l'État. l'État algérien et l'État français qui collaborent en réalité au-delà et malgré la soi-disant décolonisation, se sont mis d'accord pour des intérêts communs qui n'ont pas grand-chose à voir avec les intérêts du peuple algérien ni avec les intérêts du peuple français, pour bloquer un processus démocratique en cours, l'ont habillé médiatiquement de manière à rendre incompréhensible ce qui se passait, ce qui fait d'ailleurs que les Français n'y ont rien compris. Et donc vous mettez les pieds, sur un terrain totalement miné, et si vous ne déminez pas, votre, comment dirais-je, tentative devient très contre-productive. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, et je veux que vous preniez conscience à quel point les Français ne savent rien de tout ça et n'y comprennent rien. Vous voyez? Très bien. Ben, nous espérons que vous pourrez éventuellement prendre en charge aussi cet aspect, non pas de la question franco-algérienne, mais de la question plus générale des rapports de la France. Je sais que vous le faites, mais d'une Je manière le fais, mais plus. c'est très difficile, comprenez bien, parce Voilà. que je prends des coups des deux côtés, moi. Quand on est un Certainement. médiateur, on Oui, prend des coups des deux côtés. Je me fais traiter certainement. de pro-musulman d'un côté, je me fais traiter de je ne sais pas trop quoi, de nationaliste fasciste français de l'autre. Je prends des coups de tous les côtés. D'ailleurs, ceux qui me connaissent et ont un peu l'honnêteté de regarder mon parcours le savent. Il est très dangereux, très difficile d'être dans une position de médiateur. Il est beaucoup plus confortable d'être un radical d'un camp ou d'un autre. C'est plus violent, plus laid, mais plus confortable. Moi, je suis un médiateur, mais je suis quand même un Français qui tend la main, mais en tant que Français, vous voyez, et je ne suis pas un masochiste, vous voyez, donc je vous dis, comprenez la difficulté de ce dialogue, parce qu'effectivement, les trois quarts des Français n'ont pas les clés de compréhension et prennent des arguments pour des agressions, voilà, et c'est très compliqué, car nous avons contre nous le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, qui ne fait que distiller, comme vous le savez, des mensonges, hein. Parfait. Nous passons donc au chapitre suivant, si vous voulez bien. Donc, sur les questions concernant beaucoup plus la France et l'Europe. Pour, disons, ouvrir une petite parenthèse, une toute petite pause, est-ce qu'on peut dire qu'Alain Soral serait l'antithèse des post-68ards? Oui, j'ai beaucoup critiqué les 68ards, mais je crois qu'aujourd'hui cette critique est devenue presque majoritaire. Donc à la limite, le travail est fait. C'est sûr que je ne suis pas un bobo. Et moi, j'ai fait une analyse qui dit que mai 68, le mai 68 qui a gagné, parce qu'il y en avait trois. Il y avait le mai 68 utopiste qui était charmant. Il y avait le mai 68 ouvrier qui avait un combat de classe à mener pour des augmentations de salaire qui étaient respectables. Et puis il y a le mai 68 qui a gagné, qui est le mai 68 libéral-libertaire, celui de Cohn-Bendit et de sa clique, qui ont d'ailleurs été rétribués pour le travail qu'ils ont fait, puisqu'ils sont tous aujourd'hui à des postes agréables d'animation et de pouvoir. Et en fait, le travail qu'ont fait ces gens-là est un travail de double destruction, qui est la destruction à la fois du Parti communiste français et la destruction du gaullisme. Le mai 68 a liquidé ces deux forces, qui étaient les forces qui s'étaient coalisées pendant la guerre sous l'intitulé du CNR, du Comité national de la résistance, et qui a été la France des Trente Glorieuses, qui a été, je dirais, la France la plus positive sur le plan économique et social pour le peuple français. Et en fait, le mai 68, qui a été aidé à gagner la guerre et qui l'a gagné, est un mai 68, celui des bobos, on va dire, hein, des libéraux libertaires, qui a procédé à cette double liquidation du Parti communiste français et du gaullisme. Et moi, je me sens quelque part un héritier du Parti communiste français et du gaullisme. C'est-à-dire, je suis un nationaliste social, un nationaliste de gauche, et je revendique ces deux héritages gaullistes et communistes. Et la France, en fait, d'après-guerre jusqu'à 73 environ, et ce qu'on appelle les Trente Glorieuses et l'exception française, se comprennent comme une coalition plus ou moins cachée, comme un pacte plus ou moins caché, mais efficient, entre le PCF et le patronat gaulliste. Voilà. Et je dis que c'était en gros ce qu'on a vécu de moins pire en France, parce que la politique, c'est le lieu du moins pire, ce qu'on a vécu de moins pire, et depuis que cette alliance a été cassée et qu'elle est caduque, on a une autre alliance qui s'est mise en place, qui est l'alliance des trotsko-libéraux ou des libéraux-trotskistes, c'est-à-dire des mondialistes de gauche et des mondialistes, enfin des internationalistes de gauche au service des mondialistes de droite. Et je pense que cette coalition, qui est la coalition Sarko-Bobo, est bien plus néfaste au peuple de France que celle qui fonctionnait à l'époque de De Gaulle et du Parti communiste. Voilà. Donc là, je ferme cette parenthèse. Voilà ma critique de mai 68 et des 68ards aujourd'hui au pouvoir sur le plan de l'animation culturelle et sur le plan de la politique sociétale. Voilà. D'accord. Alors, nous passons donc effectivement au chapitre concernant beaucoup plus la société française et l'Europe, d'une manière générale. Alors, le décalage entre les principes républicains proclamés et la réalité de l'exercice du pouvoir en France, l'échec de la politique d'intégration et la problématique dite communautaire, l'islam obstacle ou atout pour une France plus forte et plus confiante au sein de l'Europe, et on pense bien sûr en particulier à l'intégration pleine et entière de la Turquie. Est-ce que tous ces éléments ne vous paraissent pas être des paramètres incontournables pour justement réunir les conditions de l'avènement d'une France qui soit plus en conformité avec son discours et avec son histoire, comme vous l'avez développé depuis le début de cette conférence? Oui, alors là, je répondrai de façon, pareil, assez claire. Je pense qu'il y a, deux pièges à éviter en France. C'est qui reviennent d'ailleurs au même. C'est le communautarisme intégral à l'anglaise, hein, qui fait qu'effectivement la France devient une mosaïque de communautés qui coexistent vaguement, et ça c'est pas du tout quelque chose qui me plaît en tant que Français, je crois que c'est un modèle dangereux. Et puis aussi l'alternative qu'on nous propose, qui est la reconquista identitaire avec une diabolisation des musulmans qui crée une situation de tension et de guerre civile. Et je crois que ces deux extrêmes qu'on nous propose comme seule alternative possible, et cette alternative est un mensonge et un piège, sont deux voies qui affaibliraient la France et qui seraient des voies de la laideur, du mal et de l'affaiblissement de la France, hein, qui seraient la voie, je dirais, communautaire, islam communautaire, et puis la voie, je dirais, racialo-identitaire. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, sur l'échiquier français, on nous propose en gros ces deux solutions-là. Hein. La troisième voie qui nous est proposée, qui est celle abstraite et à mon avis mensongère, qui est celle de Zemmour, qui est le retour à l'assimilation intégrale. Le retour à l'assimilation intégrale n'est plus possible, car il partait du présupposé que l'universalisme français était un modèle qui avait vocation à convertir au nom du progrès toutes les autres civilisations. Or, dès lors qu'on sait que ce modèle est critiquable et que en fait la France elle-même n'y croit plus, on voit pas comment on pourrait assimiler des gens à un modèle auquel nous ne croyons plus et auquel nous avons partiellement renoncé. Donc nous cherchons entre guillemets une troisième voie qui serait en fait d'agréger à la France des musulmans patriotes, hein, c'est-à-dire qu'il y ait que la France soit faite de patriotes qui peuvent être d'origine diverse, patriotes de souche catholique, patriotes protestants issus de la réconciliation nationale après des guerres qui ont été très violentes à une époque maintenant reculée, assimilation aussi des Français d'origine juive, comme ça s'est fait par d'abord Robespierre puis Napoléon avec le Grand Sanhédrin. Et aujourd'hui nous sommes au moment où il faudrait effectivement que ce pacte se passe entre la France et les Français récents de confession musulmane et d'origine souvent maghrébine, pour que ce soit des Français patriotes de confession musulmane. C'est un travail à faire, c'est une construction, c'est quelque chose que l'on ne peut pas aller chercher dans le passé et que nous devons construire, mais et qui n'est ni le communautarisme intégral, ni l'assimilation humiliante et l'assimilation rejet auquel je ne crois pas. Voilà. Et moi, je suis de ce point de vue-là encore relativement un marxiste, c'est-à-dire que je crois que l'histoire est un processus de transformation et que la vérité n'est pas toujours de rechercher dans le lointain passé et de croire que les formes sont éternelles et ont vocation à être des essences immuables. Je crois que la France est face à un défi. Ce défi, c'est d'avoir, pour des raisons liées à son histoire coloniale et des raisons liées à la volonté du patronat français, ce qui s'est appelé à un moment donné le regroupement familial, la France se retrouve avec des Français de confession musulmane sur son sol, qui sont non pas venus de façon agressive et belliqueuse, mais par la volonté de l'État français. Là, je n'étais pas décisionnaire, peut-être que j'aurais été contre à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un fait. Donc, nous avons sur le sol français des millions de Français issus de notre ancien empire et qui sont de confession musulmane, et nous devons faire en sorte qu'ils deviennent des Français à part et entière, sur le plan économique, hein, et puis sur le plan de l'identité. C'est un défi, c'est un combat, et les gens qui qui rêvent de l'échec de ce défi et de ce combat sont pour moi des anti-français et des gens qui sont des gens qui veulent du mal à la France. Voilà. Et donc moi, je me bats.